C'est simple, cette chanson, il y a besoin de vous, de votre participation pour les 4 premiers vers, c'est vous dire. C'est-à-dire que, bon, je vais faire un exemple, je suis un pamplemousse, vous dites, ouais, sauf que dans la chanson, je dis pas un pamplemousse. Je ne suis pas trotskiste, c'est vrai, non mais il faut savoir qu'on a remplacé le mot trotskiste par pamplemousse, que le mot trotskiste était beaucoup trop dur à prononcer.